Unité 1, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral, exercice 3, situation 1. Bon, nous allons faire l'appel. Éric Martin ? Présent, madame.